Les médias de divers pays ont rapporté la nouvelle de l'inspection par le maréchal Kim Jong-un de la station de lancement de satellite Sohae pour diriger l'essai d'éjection au point fixe du moteur de grande puissance de type nouveau pour la fusée transporteuse du satellite stationnaire. Ce sont l'agence de presse cubaine Prensa Latina, l'agence de presse laotienne, les journaux Dagongbao et Wenxibao, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, le journal The Global News Light of Myanmar, l'agence de presse Gulf News des Émirats Arabes Unis, le journal uruguayen La Juventud, le journal péruvien El Comercio, le journal Egyptian Gazette et le site web Ahram Online d'Égypte, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, la radio AIT du Nigérien, les en pages d'Internet du Comité national nigérien d'études du kim-il-sunisme, kim-jong-ilisme, du Comité national d'études des Édutés du Congo démocratique, de la filiale chilienne et de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée, ainsi que le en page d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections. Ils ont inséré des photos du maréchal Kim Jong-un.